Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 7e instruction, pour la fête de la Visitation de Marie le 31 mai. Rien de plus ordinaire ici-bas, que de voir les hommes qu'un coup du sort a élevés soudainement au fait du pouvoir, oublier ceux qu'ils ont laissés derrière eux dans la misère, et dédaigner de les honorer d'un souvenir ou d'un simple regard. Ne pourrions-nous pas craindre, mon frère, que la même chose fût arrivée à Marie? Elle a été élevée à un honneur si grand, qu'après la dignité de Dieu, on ne peut en imaginer de plus sublime. Elle est devenue la mère de celui qui créa le ciel et la terre. Par là, elle a acquis un droit de prééminence sur tous les êtres sortis de la main de Dieu. Quelle étonnante dignité que celle-là, mais autant elle est grande, autant je crains qu'elle ne nous devienne fatale. Qui sait si Marie, après s'être revue élevée si haut, voudra encore se souvenir de nous, qui gémissons dans une si triste abjection. Ah mon cher frère, n'en doutez pas, le cœur de Marie est d'une nature bien différente de celle qui constitue d'ordinaire les cœurs trop viciés, trop corrompus des autres enfants d'Adam. Par son élévation, elle s'est rapprochée de son Dieu plus qu'aucune autre pure créature, donc plus que toute autre elle doit participer aux qualités surnaturelles du divin cœur. Or ce cœur divin ne dédaigne point d'abaisser du haut des cieux ses regards sur les choses les plus viles et les plus abjectes. Psaume 157, 6. Marie en a la preuve la plus sensible qu'on puisse imaginer. Elle voit comment le Verbe éternel, étant la splendeur de la gloire, égal à son Père céleste, s'est abaissé, au point de se réduire presque au néant, pour nous, misérables pécheurs, confère Hébreux 1, 3 et Philippiens 2, 7. Marie, en concevant dans son chaste sein le Verbe éternel, en conçut aussi les affections dans son cœur, ne craignit donc point qu'elle puisse dédaigner de se tourner vers nous. Au contraire, maintenant plus que jamais, nous avons un juste motif de nous confier en sa clémence. Remarquez-le vous-même, que fait Marie après avoir conçu le soleil de justice? Vous la voyez, après avoir consacré quelque temps à rendre à Dieu les actions de grâce qu'elle lui doit, vous la voyez, dis-je, s'empresser d'aller rendre visite et offrir ses services à Sainte Élisabeth, sa cousine. Condescendance sublime, vraiment digne d'être méditée avec attention, confère Saint Ambroise. Jésus-Christ, si supérieur à Jean-Baptiste, se transporte auprès de lui, Marie, si supérieure à Élisabeth, se rend auprès d'elle, et pour quel motif? Serait-ce par vaine ostentation et pour se montrer elle-même, à Dieu ne plaise? Serait-ce par une curiosité tout aussi vaine, et pour s'assurer de la vérité de ce qui lui avait été dit par l'ange? Ainsi l'ont pensé quelques hérétiques, et autres personnages peu dévots envers Marie, mais gardons-nous de les imiter. Voyez Benoît XIV, Infesto Visitation numéro 2 et 3. La Sainte Vierge n'avait aucunement besoin de voir pour croire, elle avait cru et pleinement cru aux paroles de l'ange, avant de visiter sa cousine Élisabeth, autrement elle n'eût pu être proclamée bienheureuse à cause de sa foi, Luc 1, 45. Pourquoi donc y alla-t-elle? Ne l'avez-vous pas entendu de la bouche de Saint Ambroise? Elle y alla pour l'aider, elle y alla en esprit de charité. Marie alla visiter Élisabeth, pour la même fin qui détermina Jésus-Christ à visiter Jean-Baptiste, ou plutôt, non seulement Jean-Baptiste, mais toute la malheureuse postérité d'Adam. La charité qui brûlait dans le cœur de Marie fut donc le premier ressort qui la fit agir, et c'est aussi cette charité, Ô mon cher frère, que j'ai résolu de vous donner aujourd'hui à méditer, et surtout à imiter fidèlement. Considérons les qualités de la charité que Marie fit éclater en cette circonstance, et elles serviront de modèle, sur lequel nous réglerons notre charité envers le prochain. Plusieurs qualités brillèrent dans cet acte extraordinaire de charité que fit Marie, cependant j'aime de ne m'attacher que trois suivantes. Sa charité fut spontanée, elle fut prompte, elle fut entière. Passons-les rapidement en revue. J'ai lu, je ne sais où, que le baume le plus excellent, le plus exquis n'est pas celui qu'on voit couler de la plante, par suite de l'incision faite à l'écorce, mais bien celui que la plante, sans avoir été taillée ou froissée le moins du monde, donne d'elle-même et spontanément comme nos cerisiers produisent la résine. La même chose se vérifie de la charité, la plus excellente et la plus héroïque n'est pas celle qu'on exerce qu'après force, prière et sollicitation de la part du prochain qui se trouve dans le besoin, mais bien celle qui naît spontanément de l'abondance d'un cœur avide de soulager la misère d'autrui. Cette surabondance d'affection fait que les cœurs enflammés de charité se prêtent à secourir le prochain, même sans être excité ou stimulé par quoi que ce soit. Or telle fut précisément la charité que Marie montra et dans cette occasion et dans beaucoup d'autres. Personne n'invoqua son assistance, personne n'eut recours à elle, ce fut donc la tendresse de son cœur qui exhala ce parfum exquis de charité. Élisabeth n'avait pas, que nous sachions, fait inviter Marie. Elle n'avait pas réclamé ses secours, et certes elle n'aurait jamais eu le courage de le faire, elle qui s'estimait si indigne d'un tel honneur, qu'en la voyant entrer dans sa maison, elle s'écria, pénétrée de reconnaissance et d'humilité, « Et comment ai-je jamais pu mériter cette faveur singulière, de voir la mère de mon Seigneur venir me visiter ?» Luc 1, 45. À le cœur de Marie la rend incapable d'un air hautain et superbe, elle n'attend pas qu'on l'en prie, pour faire du bien et exercer la charité. Elle devance, elle prévient ceux qui désirent recevoir d'elle quelques faveurs, elle est la première à les rechercher, non pas avec un visage austère et une gravité imposante, mais avec un air affable qui respire la joie du cœur. Afin d'inspirer à tous une douce confiance, sagesse 6, 14 à 17. La nécessité du prochain est pour son tendre cœur une prière plus qu'efficace. Nous pouvons juger de la vérité de ces réflexions, non seulement d'après la visite que fit la Sainte Vierge à Élisabeth, mais encore par ce qui arriva aux noces de Cana. La Sainte Vierge s'aperçut que le vin manquait à une table, pauvres époux, quelle sera leur confusion, leur embarras vis-à-vis des convives. Ils seront soupçonnés d'indigence par les uns, accusés d'imprévoyance par les autres. Marie en est touchée de compassion, comme dit Saint Bernard. Ces pauvres époux se seront peut-être aperçus du défaut de vin, mais que faire ? Il n'est plus temps d'y remédier, patience, se seront-ils dit, il faudra supporter cette légère confusion. Mais Marie ne peut la supporter, sans en être priée par qui que ce soit, elle s'approche de son doux Jésus mon fils, lui dit-elle, ces pauvres époux n'ont plus de vin, elle ne dit que ces mots, et cela suffit pour prévenir le besoin naissant. Jésus montre un visage sévère, mais en même temps avec quelle joie ne voit-il pas cette sollicitude maternelle. Marie s'en aperçoit et ne doute point du succès de sa prière. Paisible et sans rien faire remarquer aux convives, elle parle elle-même au maître d'hôtel, évitant avec soin ce qui aurait pu troubler la joie des convives, tant est bon le cœur maternel de Marie. Mais qu'avons-nous besoin de preuves étrangères et de faits qui se lisent dans les histoires, tandis que chacun de nous pourrait puiser dans sa propre expérience assez de faits semblables pour en remplir des volumes? Mon cher frère, dites-le-moi, n'est-il pas vrai que la Sainte Vierge s'est maintes fois comportée de la même manière à votre égard? J'en suis persuadé, parce que je raisonne d'après ce qui m'est arrivé à moi-même. Oh que de fois Marie, sans être priée ni invoquée par moi, est accourue pleine de sollicitude pour me prêter aide et secours. Qui pourrait énumérer ses bienfaits? La même chose vous sera sans doute arrivée. Que tout cela serve, non seulement à nous faire connaître l'amour et la tendresse du cœur maternel de Marie, mais aussi à nous apprendre ce que nous devons pratiquer pour l'imiter. À mon frère, rentrons en nous-mêmes, et nous reconnaîtrons facilement, à notre confusion, que nous sommes bien loin d'avoir un cœur semblable à celui de Marie. Nous exerçons quelquefois la charité fraternelle, mais, ô Dieu, que de prières ne faut-il pas pour émouvoir notre compassion envers des malheureux plongés dans le besoin et l'indigence? Nous voyons bien souvent des misérables, ou du moins nous savons qu'il en est, qui, outre les autres misères auxquelles ils sont en proie, en éprouve une qui est peut-être la plus terrible, je veux dire la honte de réclamer du secours. Ces personnes nées souvent dans l'opulence, ou du moins d'honnêtes conditions, rougiraient de tendre la main pour solliciter le pain. Elles aimeraient mieux mourir de faim que de souffrir l'insupportable tourment de passer pour mendiant. Nous le savons, nous pourrions donner quelques secours à ces malheureux, mais peut-être disons-nous froidement, pourquoi ne le demandent-ils pas? Pourquoi ne veulent-ils pas s'abaisser à le solliciter? Ils veulent, quoique déchus, conserver leur rang, ils veulent paraître ce qu'ils furent autrefois, mais ce qu'ils ne sont plus. Ils veulent tenir leur ancien ton, qu'ils le tiennent, peu m'importe, ils mourront, qu'ils meurent, ils apprendront à leurs dépens. Tel est peut-être notre langage, mais qu'un tel langage fait bien voir combien nous sommes différents de Marie, notre mère. Ah si nous avions un peu de son amour maternel, un peu de sa commisération, certes nous n'aurions garde de parler ni d'agir de la sorte. Apprenons enfin, aux serviteurs de Marie, apprenons de notre mère comment nous devons exercer la charité. N'attendons pas tant de prières, de supplications et d'instances. Le besoin de notre prochain doit être une prière assez efficace pour notre cœur, puisqu'elle fut si efficace sur le cœur maternel de Marie. Que notre charité soit donc spontanée, parce que celle de Marie fut spontanée. Qu'elle soit aussi prompte, parce que telle fut la charité de Marie, elle s'en alla au pays des montagnes, et elle y alla avec promptitude, ainsi que l'évangéliste saint Luc a eu soin de nous l'apprendre, Luc 1, 39. Mais pourquoi tant de diligence? Quelques-uns en trouvent la raison à ce que la Sainte Vierge, aimant extrêmement la retraite et la prière, comptait tous ces instants quand elle devait quitter sa solitude et paraître en public. Cette raison peut être bonne, mais pour moi j'aime beaucoup mieux celle que donne saint Ambroise, savoir que la grâce de l'Esprit Saint ne souffre point de retard, mais veut de la promptitude. La Sainte Vierge voulait exercer sa charité envers Élisabeth, comme Jésus envers Jean-Baptiste, et de même que Jésus, ennemi de toute lenteur, est prompt à voler à notre secours dans nos besoins, psaume 18, 6. Ainsi la Sainte Vierge ne voulut pas tarder un instant quand elle vit Jésus se hâter. Que cet exemple est bien propre à stimuler notre diligence pour suivre l'inspiration divine. à nous presser de gravir la sainte montagne de la perfection évangélique. Et quoi? Mon frère, la montée est escarpée, le chemin est long, et il n'est pas si facile à suivre. Nous ne savons pas le temps qui nous sera accordé pour le parcourir, tout ce que nous savons, c'est qu'il est court, puisque notre vie n'est qu'une vapeur, pour me servir de l'expression de l'apôtre Saint Jacques, une vapeur qui ne fait que paraître, et s'évanouir aussitôt, Jacques 4, 15. Hâtons-nous donc d'achever notre course, faisons toute la diligence possible pour arriver à son terme, Hébreux 4, 11. Profitons de la lumière, tant que dure le jour qui nous est donné pour travailler, de peur que les ténèbres ne nous surprennent, Jean 12, 55. C'est l'avertissement que nous donne Jésus-Christ lui-même. Ne perdez pas de temps durant le jour, de peur que les ténèbres de la mort ne surviennent, et que vous ne soyez trouvés en retardant votre chemin. Ainsi hâtons-nous de faire le bien, et pour ne pas trop nous écarter de notre sujet, hâtons-nous de pratiquer la sainte vertu de charité, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, qui fait promptement la charité. Fais une double charité, la première est le soulagement procuré au prochain dans l'indigence, et la seconde consiste à lui épargner la peine d'une nouvelle demande. Ajoutons que le secours qui vient à temps aujourd'hui, arrivera peut-être trop tard demain. Vous voulez soulager tel infirme, vous voulez le secourir dans telle misère qui l'afflige, faites-le donc. Et faites-le sur le champ, en temporisant, vous rendrez peut-être votre secours inutile, parce qu'il mourra. Vous voulez sauver cette pauvre fille du danger où elle se trouve de se livrer au désordre, ne tardez un instant, car dans cet instant elle pourrait succomber. Le remède qui prévient la maladie est toujours préférable à celui qui la guérit. Prévenez donc, si vous le pouvez, mon cher frère, le mal de votre prochain, aussitôt que vous le connaissez, soyez aussi prompt à voler à son secours, que le fut Marie à aller aider et soulager Sainte Élisabeth. Enfin tâchez de rendre votre charité entière, comme le fut celle que Marie exerça envers Élisabeth, elle se transporta chez elle, non pour lui adresser de vains compliments, elle s'en gardera bien, mais pour l'aider en tout ce qui concernait le service de sa maison, durant le cours de sa grossesse, et elle ne se contenta pas de s'acquitter de cet office pendant un jour, ou un mois, mais elle s'en acquitta jusqu'à ce qu'Élisabeth fût heureusement délivrée de son fardeau, selon l'opinion vont la plus probable et la plus commune des saints pères. Voir Cornelius à Lapis dans cet endroit. Un acte de charité, quel qu'il soit, est toujours précieux aux yeux de Dieu, mais bien autrement précieuse est la charité qui ne connaît d'autre borne que celle du besoin de notre prochain, et qui ne cesse de prodiguer ses soins, que lorsqu'elle ne trouve plus de misère à soulager et à consoler. Il est bon de servir un malade, ne fût-ce qu'un seul jour, mais combien n'est-il pas mieux de le servir tant que dure la maladie? Il est bon d'aider cette veuve dans son procès, ne fût-ce que par une simple démarche ou un conseil, mais combien ne serait-il pas mieux de lui prêter son aide jusqu'à ce que le procès soit terminé? Il est bon de procurer quelque secours à cette jeune fille en péril, mais combien ne serait-il pas mieux de lui donner un secours assez puissant pour la mettre hors du danger de se perdre? Il est bon que nous autres, prêtres, nous suggérions, aux pauvres pécheurs les motifs les plus forts, et les plus capables de les exciter à sortir du péché et à retourner à Dieu, mais combien ne serait-il pas mieux, et pour nous et pour eux, de les aider en outre à faire une bonne confession, afin qu'ils se délivrent en effet du malheureux état dans lequel ils sont plongés. Raisonnez de même dans tous les autres cas analogues qui peuvent se présenter. Mon cher frère, ayons à cœur la sainte vertu de charité, si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons que Marie nous reconnaisse pour ses vrais enfants. Exerçons-la donc autant que nous le pouvons, et de la manière dont Marie elle-même l'a exercée. Que notre charité soit spontanée, qu'elle soit prompte, qu'elle soit pleine et entière, parce que telle fut la charité de Marie. Ô Marie, c'est ce que je veux faire avec votre secours, mais je réclame une chose de vous, et je crois avoir raison de me la promettre de votre cœur maternel. Vous avez jusqu'à présent exercé une grande charité à mon égard. Vous êtes accouru à mon secours, sans que je vous eusse prié, aussitôt que vous avez vu le besoin où je me trouvais, vous êtes accouru avec une promptitude extrême, et sans tarder un seul instant. J'ai donc l'assurance que votre charité à mon égard a eu les deux premières qualités, elle a été spontanée, elle a été prompte, mais la troisième qualité reste à désirer, et c'est pour moi la plus désirable, comme la plus nécessaire, c'est-à-dire que votre charité envers moi soit aussi pleine et entière. N'allez pas croire que vous ayez déjà terminé votre office maternel, non, ma mère, car mes besoins sont loin de cesser, ils me servent d'aussi près que jamais, ils n'auront d'autre terme que le terme de ma vie, bien plus. Ils ne seront terminés que lorsque je serai parvenu à l'heureux terme de la gloire céleste. Vous voyez au milieu de quel danger je suis condamné à vivre, vous connaissez fort bien le nombre et la fureur des ennemis que j'ai à combattre. Mieux que personne, vous savez que je suis privé des forces nécessaires pour sortir de cette lutte avec honneur et avec gloire. Vous devez donc m'assister, entendez-vous ? Et m'assister jusqu'à ce que vous me voyez parvenu au bienheureux séjour de la gloire. Quelle honte ne serait-ce pas si l'on venait à dire que vous avez commencé une œuvre, sans avoir pu la conduire à sa fin si vivement désirée. Voilà, se dirait-on, voilà celle qui a commencé à construire, et qui n'a pas voulu achever son édifice. Que jamais on entend de choses semblables de vous, vos ouvrages ne doivent pas demeurer imparfaits, songez par conséquent à conduire à sa perfection l'œuvre que vous avez commencée en moi. C'est ce que j'ai tout droit d'attendre de vous, et ce que je veux absolument, il n'y a ici réplique qui vaille, parce que la puissance ne peut vous manquer, si la volonté ne manque pas. Je vous rappelle aussi ce que vous m'avez promis pour les autres, vous avez assez bien commencé, je verrai comment vous saurez terminer l'ouvrage que vous avez entrepris. Vous entendez ce que je veux dire? Cela suffit, intelligent Hippoca, à ceux qui comprennent, peu de mots suffisent. J'entends parler de la conversion de l'Angleterre et d'autres nations. Markham d'Anarchivorg 2023, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.